Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la population française a quasiment doublé, passant de 40 à 68 millions d'habitants aujourd'hui. Pour nourrir cette population française en pleine croissance, la ferme France a dû se métamorphoser. Deux tiers de la population agricole a disparu, remplacée par des engins agricoles, les tracteurs et moissonneuses-batteuses. La production globale agricole a fortement augmenté grâce à une utilisation massive des engrais chimiques et des produits phytosanitaires. Ces formidables inventions ont permis à la France de devenir la troisième puissance agricole mondiale, malgré quelques externalités négatives. Diminution de la biodiversité, pollution des eaux, population agricole divisée par 5. S'en est suivi 70 ans de productivité, d'augmentation des rendements, d'exportation massive, d'une mécanisation effrénée grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. Boum ! Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et marque ainsi le retour de la guerre en Europe, mettant en lumière les faiblesses de ce modèle agricole. AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous. Donc avant d'être étudiant, nous sommes tout d'abord attachés à un milieu agricole qui nous est cher. Et Paul, dont la voix vous a bercé dans l'introduction, est avec nous aujourd'hui. Donc Paul, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, tout à fait Pierre. Donc je viens d'un département qui s'appelle l'Aveyron, où mes parents sont exploitants agricoles, donc ils élèvent des vaches en race Aubrac sur un système très extensif sur des prairies naturelles. Merci Paul. On accueille aussi Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et enfin, nous dire un peu ton lien avec le milieu agricole ? Oui, alors moi je suis originaire de plus au nord de l'Aveyron, je suis originaire du Berry, dans le département du Cher et plus précisément en Champagne-Berrichonne. Et donc originaire de famille agricole dans la grande culture et un peu dans la viticulture. Et Pierre, peux-tu te présenter aussi à nos auditeurs ? Donc comme Paul, moi je viens de l'Aveyron, je suis fils d'agriculteur, nous produisons donc des porcs et des grandes cultures, mais nous produisons aussi de l'énergie par le biais de panneaux photovoltaïques et de la méthanisation. Et aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler des dépendances, de la dépendance des exploitations agricoles aux énergies fossiles. En fait, quand on parle de dépenses énergétiques, on pense plus souvent au fioul, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc c'est 70% des émissions directes. Mais en fait, aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur les engrais, parce que cette dépense énergétique est comptabilisée dans l'industrie, et pas sur le monde agricole. Donc Paul, est-ce que tu peux un petit peu nous remettre en contexte et nous parler un peu de la consommation énergétique du monde agricole en France ? À l'échelle française, nous consommons collectivement près de 170 millions de tonnes équivalent pétrole. Et donc parmi cette consommation globale, l'agriculture française ne représente que 3% de cette consommation, ce qui peut paraître que notre consommation est assez faible. Et est-ce que tu pourrais nous le comparer, cette consommation, avec un autre secteur ? Oui, par exemple, un secteur que l'on connaît tous, le secteur résidentiel français, l'agriculture française consomme 10% du parc résidentiel français. Donc ce que tu nous dis, c'est que pour se nourrir, on utilise 10% de l'énergie qu'on utilise pour se loger. Tout à fait. Et dans ta consommation d'énergie, dans les dépenses énergétiques du monde agricole, là on ne comprend pas les dépenses indirectes, c'est-à-dire les engrais par exemple. Exactement, parce qu'en fait, l'INSEE, quand elle catégorise, les émissions de la production d'engrais rentrent dans la production industrielle et non pas agricole. Mais Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là ? Alors, pour remettre un peu de contexte et faire un peu d'histoire, avant l'arrivée des engrais, les agriculteurs avaient plusieurs moyens de faire entrer de l'azote et dans le sol, avec des fabacées par exemple dans leur rotation. Donc les fabacées, ce sont des plantes qui captent l'azote de l'air et qui peuvent le redistribuer au sol. Et aussi en amendant avec du fumier directement sur des élevages, sur des exploitations de polyculture élevage. Sauf qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un besoin de reconstruire l'Europe, la France et de nourrir cette population. Et du coup, on a eu de gros plans de modernisation et d'augmentation de la production agricole, avec le fameux plan Marshall, par exemple, qui a commencé en 1947, avec l'arrivée des Massey Ferguson dans les fermes françaises, qui ont poussé à la mécanisation, poussé au développement des engrais, pour avoir un niveau de production et nourrir cette population qui en avait besoin. Et donc, est-ce que ça a marché? Ça a permis d'augmenter cette productivité? Ah oui, ça a vraiment permis. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en 1940, on était à 15 quintaux par hectare de moyenne, donc un quintal. Et rendement de blé, tu parles? Oui, exactement, rendement de blé. Donc un quintal, c'est 100 kilos. Mmh. Et en 90, on arrive à 70 quintaux de moyenne. Donc on fait presque x5 sur la production. Et en fait, pour expliquer agronomiquement, l'azote, c'est un facteur limitant dans le sol. S'il n'y a pas d'azote pour la plante ne peut pas se développer. Et le blé, par exemple, a besoin d'azote pour fabriquer la protéine de son blé, pour faire la farine. Et donc, si elle ne l'a pas, si cet azote-là n'est pas présent dans le sol, alors la plante n'atteindra pas son stade de développement que l'on souhaite. Et donc à l'échelle de la France, est-ce que tu peux nous donner en France un ordre de grandeur un petit peu de fertilisation? Oui, on utilise une règle de calcul qui est pour un quintal, on utilise 3 unités d'azote. Donc par exemple, prenons les 70 quintaux, on fait x3, donc on est un peu plus de 200 unités d'azote par hectare et par an, donc kilo, parce qu'on parle aussi en kilo, plus de 200 kilos par hectare et par an d'azote pour le blé. Donc si je comprends bien, les 70 quintaux, c'est-à-dire le rendement moyen en France en blé, donc en moyenne, pour produire le blé français, on utilise 200 kilos d'azote. C'est ça, en moyenne, à peu près. Et nous dans notre podcast, on parle un peu d'énergie là, mais quel est le lien entre les engrais et l'énergie? Alors en fait, pour fabriquer les engrais, on a besoin de gaz. C'est le procédé Haber-Bosch qui a été inventé par deux ingénieurs et chimistes allemands lors de la Première Guerre mondiale pour fabriquer des explosifs. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le même système pour les engrais. On utilise 3 à 5% du gaz mondial pour fabriquer ces engrais à base du procédé Haber-Bosch. Pour expliquer, on capte l'azote de l'air parce que dans l'air, l'azote n'est pas du tout un facteur limitant. Il est présent à environ 80%, mais il est très très stable. Il y a des lésions covalentes, on ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, il faut casser ces liaisons. Il faut arriver à les dissocier. Et du coup, pour fabriquer une tonne d'azote, on a besoin de 3 tonnes de gaz. Donc, ce qui est énorme, c'est très énergivore. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que l'azote, c'est un facteur limitant dans le sol pour produire de la nourriture, mais on en a en grande quantité dans l'air. Et l'utilisation d'énergie, donc du gaz dans ce cas-là, permet de fixer l'azote de l'air dans le sol et de produire de la nourriture. C'est ça, c'est ça. Et à l'échelle de la France, ça représente à peu près combien de tonnes? Alors, on utilise environ 6 millions de tonnes d'engrais azotés. Donc, de l'engrais azoté, on va dire, pour faire simple, on va utiliser du nitrate d'ammonium. Donc, c'est surtout, dans ces engrais, il n'y a que 33% d'azote, environ un tiers d'azote. Pour ces 6 millions de tonnes d'engrais, on a besoin de 6 millions de tonnes de gaz. C'est l'équivalent de 10 millions de voitures en France. Et ça représente, par exemple, 3% des exportations de gaz russe. Et donc, quand on voit que pour une tonne d'engrais, on a besoin d'une tonne d'azote, on voit que le prix de l'engrais est donc très dépendant du prix du gaz. Si je comprends bien, on a besoin de gaz pour produire de l'engrais, on n'en a pas tellement en France. Donc Paul, qui produit à l'échelle mondiale de l'engrais? Alors le principal producteur d'engrais à l'échelle mondiale, c'est la Chine. Mais pour satisfaire ses besoins croissants de par sa population, elle n'en exporte que très peu. Et c'est là donc qu'intervient la Russie, qui est donc le premier exportateur d'engrais à l'échelle mondiale. Donc, par exemple, d'après le patron de Yara, cette firme européenne qui produit des engrais, 60% des engrais qu'on retrouve sur le marché européen proviennent de Russie. Donc on achète de l'engrais à la Russie? Tout à fait. Et on achète quelle part d'engrais dans la Russie? On est aux alentours, comme disait Paul, de 60%, mais comme la Russie possède les plus grosses réserves de gaz au monde, on est très dépendant d'eux. Et de ce fait, on a eu un petit élément, Paul, je pense que tu pourras nous en parler, mais qui est venu montrer que en fait, cette dépendance est devenue une vulnérabilité. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Donc tout à fait, il y a 2 ans de cela, la Russie a envahi le territoire ukrainien. Et donc pour sanctionner cette invasion, l'Union européenne a décidé de mettre en place des sanctions économiques envers la Russie et donc de limiter nos importations de gaz. De ce fait, ça s'est traduit comment pour les consommateurs? Donc, dans un premier temps, le prix des engrais a fortement augmenté, puisque la Russie est un grand producteur. Donc, à titre de comparaison, nous étions sur de l'ordre de 250 euros la tonne avant la guerre en Ukraine. Nous sommes montés à plus de 1200 euros la tonne, avant de redescendre aux alentours de 350 euros la tonne. Donc là, c'est de la production d'engrais. Mais en ce qui concerne les consommateurs, on se rappelle tous que nos factures d'électricité ont bondi, puisque le marché de l'électricité en Europe est fixé sur celui du gaz. Mais ça, c'est un des exemples, mais aussi on peut se rappeler que nos tickets de caisse ont flambé, puisque la Russie est un grand producteur mondial. Si on se rappelle nos cours d'économie au lycée, si une offre est limitée mais la demande court toujours, on a eu donc une augmentation des prix, donc augmentation des prix du blé, augmentation des coûts de production, car l'engrais intervient. Donc ça représente une inflation de 20% entre 2021 et 2023, d'après la Banque de France, ce qui montre bien la relation entre le prix du gaz et l'augmentation des prix de nos aliments. Donc en fait, l'augmentation des produits alimentaires par rapport aux consommateurs, ça a d'abord été l'augmentation d'une charge de production qui s'est répercutée sur ces derniers. Donc merci Paul. Donc on va un peu conclure cette première partie. Donc nous vous avons un petit peu montré comment le système productiviste actuel agricole a permis de répondre à une forte croissance de la population après-guerre. Il a permis d'y répondre grâce aux engrais et à la mécanisation. La mécanisation, quand on parle de dépenses énergétiques, c'est un peu, comme on a dit, l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, on vous a montré que les engrais en fait, sont une grosse dépense, mais cachée, puisqu'ils sont comptabilisés dans l'industrie. Bon, ce système, il a eu des impacts sur l'environnement, et aussi, il est dépendant complètement de cette énergie, enfin, du gaz, puisque c'est l'énergie qui permet de fixer l'azote atmosphérique. Cela a rendu la ferme France dépendante de la Russie, et cette dépendance, en fait, est devenue une vulnérabilité, comme l'a pu le montrer Paul, par rapport au conflit ukrainien. Aujourd'hui, cette dépendance n'est pas prête de s'arrêter, puisque le fait que l'Europe veuille mettre des sanctions économiques sur l'importation du gaz nous pousse à acheter, en fait, nos engrais en Russie. Donc nous allons ensuite faire une petite pause audio. C'est une vidéo de Noriap qui a été réalisée en 2020 et qui va nous présenter l'agriculture de conservation des sols, une agriculture avec moins de travail du sol. Ferme de Sébastopol en fin d'été 2019, une nouvelle séquence de sécheresse. Pénalisantes, elles sont désormais plus fréquentes. Cette parcelle-là n'a été ni labourée ni déchaumée. Aucun travail mécanique depuis la récolte. Thomas Leroux y implante un semis direct. En évitant ainsi de retourner la terre en profondeur, comme pour le non-labour, il limitera la germination des adventices. Et le fait de ne pas bouger la terre aussi, on ne la sèche pas. On voit très bien que le lit de semence, il a plus 20 mm vendredi, samedi. Il est encore très frais. Si j'avais déchaumé cette surface superficiellement, j'aurais asséché la terre. Et du coup, la graine, elle aurait moins germé facilement. Alors que là, on voit toute l'humidité qui reste dans le sillon. Alors, il faut que j'arrive à trouver une graine. Ah, là voilà. Pour Thomas, la pratique de l'agriculture de conservation est une expérience nouvelle, adaptée à la qualité de ses terres. C'est une pratique de son métier radicalement différente. Ce qui est un peu perturbant, c'est que ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup de choses. Un peu plus tard en saison, sur une autre parcelle, la pluie est revenue, un peu trop peut-être. Thomas sème des céréales pour l'été prochain. À l'abandon du travail du sol s'ajoute la couverture permanente de ses terres tout au long de l'année. Sur ce semoir, un découvreur trace une ligne dans la végétation précédente, un autre marque le sillon, la graine est déposée et une roulette d'appui recouvre le tout. Après octobre anormalement pluvieux, le semis direct est cette fois encore facilité. Je vérifie la profondeur de la graine, savoir si elle est bien enterrée, s'il y a un bon contact terre-graine. Et surtout si elle est bien recouverte. Malgré le couvert, on voit très bien que le semoir fait du bon boulot. Je pensais que j'allais mettre en route à semer un peu plus tardivement par rapport aux voisins qui sont en agriculture conventionnelle. C'est l'inverse qui s'est produit. Sur les sols qui ont été travaillés, l'humidité a du mal à s'enlever, donc les semoirs ne peuvent pas intervenir. Alors que moi, sur un couvert même humide, le semoir arrive à passer plus facilement et il n'y a pas de terre qui s'accumule sur les éléments semeurs. Avec d'autres agriculteurs engagés en conservation, ils mènent des essais en jouant sur les rotations, le type de couvert, la variation des combinaisons. Résultat attendu à l'été prochain. Il est aussi accompagné par Christian Lamont, conseiller Noriap. Ensemble, ils travaillent sur la structure des sols. On va prendre une base crucifère pour avoir un système racinaire pivotant pour aller faire de la structure en profondeur. On va mettre bien souvent aussi des graminées pour avoir un système racinaire fasciculé, pour faire une structure grumeleuse en surface, pour avoir une bonne structure du sol. Et puis après, on va ramener des éléments fertilisants avec des légumineuses, comme la févrole, vous en avez à côté de moi qui sont en fleurs. La légumineuse fixe l'azote de l'air et va le refournir à la culture qui va suivre. Et puis, on mettra une plante tuteur pour retenir un peu l'ensemble quand on a la chance d'avoir des gros développements végétatifs, comme par exemple un tournesol ou une facélie. L'enracinement des couverts remplace largement la charrue, dans le sens où les racines de ce couvert vont restructurer le sol, vont redonner vie au sol, vont favoriser les bactéries, les champignons. Au-delà de ces intérêts agronomiques, l'objectif principal pour Thomas, ce n'est pas seulement de garantir la productivité, c'est aussi obtenir une plus grande rentabilité en diminuant les charges, outillage, carburant, main-d'œuvre et intrants dosés au plus juste. Avec en plus tout le plaisir de chercher à mieux comprendre sa terre, ses ressources et les combinaisons qui au mieux la valoriseront. Donc après ce petit audio sur l'agriculture de conservation des sols, nous accueillons aujourd'hui Sylvain Hippolyte d'Agrodoc. Bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la structure dans laquelle vous travaillez ? Oui, donc je m'appelle Sylvain Hippolyte, je suis ingénieur agronome de l'école ENSAT. Donc je suis responsable recherche et développement pour Agrodoc. Agrodoc, c'est une coopérative de services et de conseils qui a la particularité d'être organisée en CETA. Donc les CETA, c'est Centre d'études techniques agricoles. Et on fédère 52 CETA dans le grand quart sud-ouest de la France. Des agriculteurs qui sont principalement céréaliers. Alors ils peuvent avoir d'autres ateliers de culture, mais nous on les accompagne sur la partie grande culture. Donc on est une équipe de 15 ingénieurs conseils pour faire de l'expérimentation, du conseil, évidemment des publications, des synthèses et animer ces groupes. Donc les CETA, c'est à peu près 20-25 agriculteurs par CETA. Et vous voyez, avec 52 CETA, ça nous fait un gros millier d'adhérents sur cette zone Occitanie-Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, est-ce que vous travaillez un petit peu sur la problématique de l'azote ? Oui, totalement. Alors, en lien évidemment avec l'agriculture de conservation des sols que vous venez de citer, c'est également que vous avez cité l'importance de l'azote en grande culture. C'est sûr que c'est le facteur de production numéro un. Donc, on y travaille à la fois sur des enjeux de pilotage, donc décider la dose totale, quand est-ce qu'on l'apporte, comment on l'apporte, mais aussi évidemment à chercher à réduire les quantités globales, même s'il faut être conscient, on en reparlera, que c'est un facteur encore une fois premier. Donc il faut en mettre, mais essayer de le mettre au plus juste. Eh bien, en parlant de justesse, on parle de plus en plus d'agriculture de précision. Et c'est un des premiers moyens peut-être pour réduire la consommation d'azote ? Alors c'est sûr qu'il faut déjà calculer la dose totale. Donc aujourd'hui, on a quand même des outils, beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, des règles, des ABAC qui nous permettent de bien piloter la quantité d'azote totale qu'a besoin une culture. Vous évoquiez tout à l'heure le chiffre de 3 unités, donc 3 kilos d'azote par quintal de blé produit. Alors en effet, ça varie selon les variétés, mais c'est globalement ce chiffre qu'il faut retenir. Sur certains blés de qualité, on peut monter jusqu'à 4, mais avec des rendements qui sont plus bas. Donc là, aujourd'hui, bien sûr, on travaille sur cette notion de pilotage et essayer de calculer au plus juste. Il y a également la notion de fractionnement, c'est-à-dire d'apporter l'azote en plusieurs fois, en plusieurs passages. C'est généralement 3, voire 4 fois dans l'année où on fait des apports d'azote pour tout simplement coller au mieux aux besoins de la plante. La plante va absorber l'azote au fur et à mesure de sa croissance, donc ça serait pas très pertinent de mettre, entre guillemets, tout d'un coup, en tout cas avec des formes d'azote minéral. Donc ça fait partie de l'agriculture de précision. Et la dernière chose qui est un peu plus récente, c'est ce qu'on appelle la modulation intraparcellaire. Donc l'idée, c'est de mettre au sein d'une parcelle qui aurait un sol hétérogène, donc avec des potentiels de production hétérogènes, d'adapter les doses en fonction de chacune des zones. Donc par exemple, dans des zones qui sont moins fertiles et où le rendement, la productivité va être moindre, eh bien, on va économiser de l'azote pour éviter d'en gâcher. Et à l'inverse, dans les zones plus fertiles où les rendements vont être supérieurs, il faut accompagner les besoins de la plante en mettant davantage d'azote. Oui, parce qu'il faut rappeler que, du coup, on l'a vu, l'azote est un facteur important, ça répercute économiquement dans les exploitations, mais aussi le fait que l'azote peut contaminer les eaux par le lessivage, donc on peut avoir une perte d'azote si on amène trop d'azote au même moment, et c'est aussi là que intervient l'enjeu environnemental. Oui, bien sûr, l'azote est sensible à ce qu'on appelle la lixiviation. Des fois, on parle L'estivage aussi, bon, c'est des termes techniques, mais il faut retenir qu'en effet, si on met trop d'azote d'un coup sur un sol et qu'il pleut beaucoup dessus, une lame d'eau assez importante, par exemple, ce qui se passe l'hiver, ben, il y en a une partie qui descend et donc qui se retrouve soit dans la nappe, soit dans les rivières. Alors ça, on a des choses qui cadrent là-dessus, puis aujourd'hui, encore une fois, les pratiques agricoles sont très bien quand même justes pour essayer de minimiser ces fuites. En revanche, ce qu'on évoque moins, c'est l'azote qu'on perd via l'export des grains, et c'est tout à fait significatif. Vous citiez tout à l'heure des rendements moyens de l'ordre de 70 quintaux, 7 tonnes hectare de blé. Bon, dans la région sud, c'est en moyenne un peu plus bas, mais admettons, si on garde cette valeur, ben, il faut se rendre compte que quand on sort 70 quintaux à l'hectare de blé dans la benne, la benne qui sort du champ, eh ben, il y a environ 150 unités d'azote qui est sortie via les grains. Donc 150 kilos d'azote en fait. Ouais, 150 kilos d'azote. Vous évoquiez tout à l'heure un besoin total, un apport de fertilisation de 200. Ça veut dire que 3/4 de ce que l'agriculteur épand sur son champ est sorti via les grains et se retrouve donc dans la baguette de pain, dans la chocolatine, dans les pâtes. Et finalement, c'est aussi le consommateur qui en laissant l'azote pas dans les champs, finalement, en ne le faisant pas revenir dans les champs, on a une fuite d'azote. Et ça, c'est quelque chose qui est trop peu présent dans le débat, mais qui est tout à fait important. On fertilise avec de l'azote de synthèse parce que on recycle mal l'azote qui est contenu dans les aliments qu'on mange. Et du coup, on parlait de diminution du travail du sol. Et est-ce que la diminution du travail du sol peut limiter ces pertes d'azote ? Alors oui, un peu, parce que quand on diminue le travail du sol, déjà on diminue l'érosion, et donc l'érosion, ça peut être une forme de perte de sol et notamment de matière organique, donc il y a un peu d'azote là-dedans. On parle aussi d'activer la vie du sol, quoi, l'activité biologique, donc ça peut permettre un meilleur recyclage, mais honnêtement, c'est pas la baisse du travail du sol en elle-même qui permet de mieux gérer les flux d'azote. Ça permet d'économiser du fuel, de l'érosion, comme je disais, du temps de travail, peut-être gagner des charges de mécanisation, mais sur l'azote, c'est pas l'élément central. L'élément central, ce sont plutôt les couverts végétaux d'interculture et le bon pilotage de la fertilisation azotée qui permettent de bien gérer l'azote. Et pour parler un peu de la diminution du travail du sol et aussi des couverts végétaux qui nous intéressent, alors pour compenser, pour expliquer le travail du sol, c'est quand même un enjeu pour les agriculteurs, pour la gestion des adventices, la structuration du sol, et on peut compenser ce travail du sol avec l'implantation de couverts, et on peut aussi compenser l'apport d'azote en partie par l'implantation de couverts de légumineuses. Oui, alors d'un point de vue énergie, déjà, vous parliez tout à l'heure de l'enjeu énergétique pour l'azote, donc un kilo d'azote, c'est un kilo de gaz ou un litre de fuel, on va dire, grosso modo, c'est la même chose, et on consomme 200 unités d'azote à l'hectare. Le travail du sol, puis toutes les interventions techniques, c'est de l'ordre de 70-80 litres de fuel par hectare et par an. Donc vous voyez que le travail du sol, d'un point de vue énergétique, c'est déjà un enjeu bien moindre que la quantité d'azote. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, les couverts végétaux, et notamment, comme c'était bien dit dans l'extrait, la vidéo, si on y intègre des légumineuses, ils permettent de capter l'azote de l'air. Ça se fait presque de la même manière que dans le procédé à beurre-boche que vous citiez en introduction, sauf que c'est un phénomène biologique qui est naturel, et donc les légumineuses type févrol, vesce, etc. qui sont présentes dans les couverts végétaux vont finalement dépenser l'énergie qu'elles ont photosynthétisée grâce à l'énergie solaire, donc pour aller fixer l'azote de l'air, le fabriquer leurs tissus, leurs cellules, leurs feuilles, leurs tiges, etc. Et si on les détruit et qu'on les laisse sur place, eh bien, elle laisse une partie de cet azote dans le sol et est disponible pour la culture suivante. Donc finalement, de pratiquer des couverts végétaux riches en légumineuses, ça enrichit progressivement le système sol en azote qui sera donc disponible pour les cultures suivantes. Oui, parce qu'en fait, on a parlé, dans tout le début, on a parlé d'azote, mais en fait, on n'a peut-être pas parlé aussi des formes d'azote. L'engrais synthétique, c'est une forme extrêmement assimilable par les plantes, c'est quasiment de la nourriture pour plantes, alors que, ce que vous dites, c'est que les couverts sont plutôt une forme d'azote qui est un peu plus rémanente dans le sol. Oui, alors voilà, il y a globalement l'azote qu'on appelle minéral, et quand on crée quand on synthétise de l'azote en usine, en effet, on fait de l'ammoniac, des nitrates, qui sont de l'azote minéral, mais c'est aussi la seule forme d'azote qui est directement et facilement assimilable par les plantes. L'autre forme d'azote qu'on a, c'est l'azote sous forme organique, donc c'est de l'azote contenu dans la matière organique, et notamment quand une plante pousse, elle utilise de l'azote minéral, parce qu'encore une fois, c'est la seule forme d'azote qu'elle peut ingérer, et elle le transforme en azote organique. Le processus inverse, c'est exactement l'inverse, c'est que l'azote organique se minéralise pour redevenir de l'azote minéral. Et donc, c'est une forme de cycle. On est, même quand on a de l'azote organique dans les sols, sous forme de fumier, de compost, de lisier ou de couverts végétaux ou de résidus de culture, il faut qu'il passe par une phase de minéralisation et donc redevenir de l'azote minéral avant d'être à nouveau absorbé par une plante. Et en fait, via l'industrie, on mime, on saute une étape en synthétisant de l'azote directement assimilable par les plantes. Et pour revenir sur le fait d'utiliser des couverts végétaux pour faire des engrais, on pourrait se dire à première vue, on n'a qu'à mettre énormément de couverts et on pourra compenser largement les... on met plein de plantes qui captent de l'azote de l'air et on pourra compenser largement les apports en engrais minéral. Ouais, est-ce qui n'est pas vraiment le cas si on veut tenir si on veut tenir la même production? C'est une question d'ordre de grandeur, finalement. Quand je disais qu'on exporte 150 unités d'azote via la benne qui sort du champ, on n'arrive jamais à importer 150 unités d'azote par an, enfin à fixer 150 unités d'azote d'origine biologique, quoi, par les légumineuses, etc. Donc c'est une question d'ordre de grandeur. Si je prends l'exemple de l'agriculture bio, avec des rendements plutôt de l'ordre de 30 quintaux hectares en blé, par exemple, en tout cas dans la moitié sud de la France, les exports sont moindres. On va peut-être exporter de l'ordre de 90 unités d'azote, et dans ce cas-là, l'autonomie azotée, elle est davantage envisageable. Mais encore une fois, c'est une question d'ordre de grandeur et donc de productivité à l'hectare. Vous le disiez bien en introduction, si on doit produire suffisamment pour nourrir, il faut, entre guillemets, amener de l'azote dans le système. Amener, c'est une chose. Je pense que le gros enjeu pour demain, c'est surtout mieux le recycler au regard de ce que je disais avec la mauvaise valorisation actuellement de l'azote qui part dans les grains et consommé par les consommateurs qui, c'est comme ça, on est organisé comme ça, vivent majoritairement dans les villes et qui ne revient pas assez dans les champs. Et moi, j'avais plutôt une question pour si on veut changer, si on veut moins exporter de grains, est-ce qu'il y a aussi une solution de que l'agriculteur doit plus se diversifier, à changer un peu le régime alimentaire, plus de protéines végétales, moins de protéines animales peut-être? Oui, c'est sûr que si on cultive des légumineuses à graines de type pois chiche, soja, qui vont lentilles, qui vont pouvoir être directement mangées par... des humains, oui, là, le bilan est très bon en termes d'azote, et sur ces parcelles-là, on ne va pas mettre d'azote de synthèse. Donc, à l'échelle de la ferme France, si on cultivait plus de légumineuses, bien sûr qu'on serait moins dépendant à l'azote. Aujourd'hui, le problème, ce sont les filières. Les légumineuses, en l'état, ne sont pas assez rémunératrices pour les producteurs, parce qu'il y a aussi des défis techniques, les rendements sont pas très élevés, le prix d'achat est pas élevé, donc ça pose cette question-là. La deuxième question que ça soulève, c'est l'importance de l'élevage et de la polyculture élevage. Malheureusement, c'est décrié aujourd'hui, à mon avis, à mauvais escient, puisque pour recycler de l'azote, un des meilleurs moyens, c'est d'utiliser des engrais de ferme, qu'on appelle comme ça, mais des amendements organiques, donc des fumiers, des lisiers, etc. Quand vous donnez à manger une nourriture à un animal, en fait, il exporte très peu d'azote via la viande ou le lait. Il en exporte un peu, évidemment, c'est ce qui nous nourrit en termes de protéines, puisque l'azote est constitutif des protéines, mais la majeure partie de son azote, il le rejette et on le met après dans les champs sous forme de fumier ou de lisier. Et donc, l'intégration grande culture et élevage, bien sûr, elle est très pertinente en termes de gestion de l'azote. On n'en prend pas le chemin, voire on s'en éloigne de plus en plus. Parce qu'à l'échelle de la France, en fait, on a eu une grosse spécialisation, on n'en a peut-être pas trop parlé, des productions agricoles. Oui, alors suis pas le plus grand spécialiste de pourquoi et comment c'est arrivé comme ça. Le fait est, c'est plutôt aujourd'hui, on est dans cette situation, comment on fait pour s'améliorer? Ben, nous, avec les adhérents, par exemple, qui sont majoritairement céréaliers, on retravaille beaucoup sur l'utilisation de composts de déchets verts, sur des composts de déchets verts enrichis en boue de stations d'épuration. Et là, typiquement, on a un recyclage de la matière organique d'origine humaine, hein, faut dire les choses, qui est très bon. Donc, de mieux revaloriser les boûts de stations d'épuration et de les utiliser dans les champs de grandes cultures, aujourd'hui, c'est un enjeu qui est très important, je pense. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les agriculteurs font quand même déjà énormément d'efforts, enfin, ont déjà commencé leur transition, que ce soit en se diversifiant, en travaillant moins le sol, en dépendant moins d'azote plus fractionné sur des périodes vraiment en agriculture de précision. Mais il y a aussi un point que nous aimerions parler ici, c'est que l'agriculture aussi, pour le changement climatique, a quelque chose à jouer parce qu'elle peut stocker du carbone. Et c'est dans son intérêt à l'agriculture et à l'agriculteur même. Tout à fait. Donc les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, donc évidemment qu'ils ont déjà bouger les lignes et que ils améliorent constamment leur procédé parce que on est dans un environnement qui le nécessite. Comme toute entreprise, il faut améliorer les process. Évidemment, l'azote, c'est aussi un gros poste de dépense, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont bien amélioré les choses. Et vous le disiez, on a aussi la voiture balai, entre guillemets, qui nous rattrape, qui est le changement climatique. Les agriculteurs sont en première ligne pour observer les effets du changement climatique, donc avec des dates de semis qui ont bougé, des dates de récolte qui ont encore plus bougé, des hétérogénéités de pluviométrie pendant l'année et puis en interannuel. Donc ça, on le vit déjà. Et en effet, le fait d'avoir des sols qui stockent plus de carbone, donc plus riches en humus, en matière organique, hein, on parle de la même chose. Dans l'humus, il y a du carbone et de l'azote organique. Et bien, le fait d'avoir des sols avec un statut humique plus élevé, c'est clairement un facteur de résilience dans ce contexte de changement climatique. Donc les couverts végétaux sont en train de devenir pas quelque chose qui est regardé comme une contrainte, ou moins comme une contrainte réglementaire et quelque chose de difficile à mettre en place. Ça reste quelque chose de très technique, il faut faire attention, il faut mettre les choses dans le bon ordre, mais les couverts végétaux, la restitution des résidus de récolte, l'utilisation d'amendements organiques, donc faire en sorte qu'on ait un sol en bonne santé avec un bon statut humique, oui, c'est quelque chose qui est en train d'être embarqué, et je pense que c'est totalement nécessaire pour assurer la durabilité de l'agriculture. On vient un peu d'effleurer la complexité du monde agricole. Dans ce podcast, on a essayé de vous montrer la dépendance aux énergies fossiles de nos exploitations agricoles. On a parlé aussi un petit peu du carbone, mais en fait du rôle que peuvent avoir ces exploitations dans les défis actuels. Nous, on est vraiment super contents d'avoir pu participer à cet exercice, au podcast. On va remercier Campus FM qui nous ont permis de tourner ce podcast. Nos professeurs, donc Adeline Bouvard et Simon Giuliano, qui nous ont encadrés de manière académique pour la construction de ce podcast, et Sophie Yvon qui nous a permis de nous encadrer dans la réalisation. Et on remercie aussi Sylvain Hippolyte d'être intervenu. Merci beaucoup, c'était très intéressant d'échanger avec vous. Et puis on souhaite que vous écoutiez le prochain podcast de Campus FM et d'AgroJécoute. Merci à tous. Merci, au revoir.